L'homme et la mer, de Flévier, passé par Aumônier. Homme libre, toujours, qui périra la mer. La mer est au miroir, qui contemple ton âme, dans le déroulement infini de ta lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins sa mer. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Oh, l'éternité.